J'ai le cœur rempli de peine, Bouddha, j'ai le cœur qui saigne, les micro-mains attention sur qui saigne, il en faut pour sonner mes peines. Oh elle dira, on se taille de là, je fais le tour de ma ville en balade dans ma favela. Reste Paris, Hilton, ma vie sur la tour Eiffel. Ouais Bouddha, j'école, cette année je monte le level. J'ai le bis comme Tony, les ennemis je les aime à la folie. Trop de fils de pute ma jolie. J'ai les mêmes pleins de sang, j'les baisse, baisse, baisse. Y'a l'aiguille qui tourne, j'ai plus le temps. Ma suite hypocrite, fuck tes partages. La plaquette coupée, chauffe à l'étage. Qu'on m'enlève le cœur, que j'garde la rage. Dans ma galaxie, en bon à la street, j'ai les couilles en orbite.